s'inquiète. Viens avec moi, Raoul. Christine, je t'aime. Viens dans ton carrosse, puis attends à la porte. Bientôt, tu vas m'étreindre. Le noir n'est plus à craindre. Look!